Je parle de toi dans un son, on est très distant, tu m'aimes pas, j'ai l'impression, je suis figé dans le temps, j'aimerais tellement que tu grandisses, tu te rends pas compte de certaines choses, tu comprendras quand tu auras grandi. À mon avis, t'écouteras jamais son taxi, en plus à mon niveau d'interprète, il restera pas à l'affiche longtemps. Je t'aime, ces deux mots que je ne dis pas souvent, je préfère te crier dessus et te blesser inconsciemment apparemment. Mais on partage quand même des choses ensemble quand on se promène et tout. On dit loin des yeux mais près du cœur, quand j'étais parti, tu me cherchais partout. Je veux ton bien car tu es mon trésor, ma princesse, tout ce que j'ai de plus cher. Et même si un jour je pars, je ne t'oublierai jamais, car une vie sans sa petite sœur, personne ne pourra. Ma vie sans toi, mon trésor, je peux pas, je rêve une force et j'ai besoin de toi auprès de moi. Et même si tu ne veux pas, je me dois te faire, moi pour les deux enfers. Ma vie sans toi, mon trésor, je peux pas, je rêve une force et j'ai besoin de toi auprès de moi. Et même si tu ne veux pas, je me dois te faire mon rôle de grand frère, mon rôle de grand frère. Il fallait un deuxième coupé, je me force pas à l'écrire, car petite sœur, j'ai plein de choses à dire. Tu sais que tu peux te confier à moi, parce que quand je veux te parler, tu ne m'écoutes pas. J'ai l'impression que tu t'en fous de ce que je dis. Alors quand je pars en soirée, je me noie dans la tise. Mais il y a des choses que je ne veux pas que tu saches pour te protéger, car tu sais, je t'aime, et cela pour l'éternité. Le temps n'a pas changé, tu n'es même toujours pas. Tu me demandes ce que je t'ai fait, moi je voulais juste ton bien. C'est l'impression d'être un étranger pour toi. Même maman, même papa ne voyait pas que je suis là où je parle. Car ma petite sœur ne me regarde pas, j'ai dû te recréer dessus pour que je ne l'aime plus. Je peux pas, j'aurais beau me forcer, j'ai besoin de toi auprès de moi. Et même si tu ne veux pas, je me dois te faire mon rôle de grand frère. Ma vie sans toi, mon trésor, je peux pas, j'aurais beau me forcer, j'ai besoin de toi auprès de moi. Et même si tu ne veux pas, je me dois te faire mon rôle de grand frère. Ma vie sans toi, mon trésor, je peux pas, j'aurais beau me forcer, j'ai besoin de toi auprès de moi. Et même si tu ne veux pas, je me dois te faire mon rôle de grand frère. Ma vie sans toi, mon trésor, je peux pas. Je vais me forcer, j'ai besoin de toi auprès de moi. Et même si tu ne veux pas, je me dois te faire mon rôle de grand frère.